Chapitre 18. Réception solennelle sous la tente de la Noyonne. Repas d'Egelung. Offrande de la robe d'honneur. Le lendemain de la pieuse tournée de la Noyonne, la visite de tout le personnel du Rouroul fut annoncée, à l'exception de celle du lama. En raison de son âge et de sa haute dignité, il ne quitte pas sa guerre. Le plus vénérable théologien du couvent le remplaçait. Tous les ans, un nouveau supérieur est élu entre les Gelung qui, ainsi, à tour de rôle, sont investis de l'autorité. La Noyonne se mit en frais de toilette, c'est-à-dire revêtit tous ses habits nationaux, ce qu'elle ne fait pas toujours dans l'intimité. Lorsqu'un des moines vint le matin la prévenir, il lui offrit un coupon de taffetas gros bleu pour entailler un caftan. Note. Caftan, khalat, robe d'honneur. Fin de note. À chaque visite du chef de Loulous, il est d'usage de lui offrir un vêtement d'honneur. Comme il n'était pas prêt pour la cérémonie de l'après-midi, la Noyonne, sa suivante et moi, nous aidâmes à le confectionner. Nous finîmes à temps, ce qui sauva d'une situation critique le religieux auquel revient par son grade le droit de revêtir la suzeraine de la robe d'honneur en présence des dignitaires du Rouroul. Ceux-ci arrivèrent en procession, l'un après l'autre, sous la tente de la noble dame. Les plus anciens entrèrent les premiers et, sans dire mot, s'accroupirent sur le tapis des visiteurs de distinction. Ces vieux moines portaient des caftans jaunes foncés, tirant sur l'orange, et étaient coiffés d'un chapeau de même couleur à large bord, garni de martre. La bordure fourrée encadrait leur tête comme l'auréole des saints. Leurs visages ridés, usés par les austérités, rappelaient celui de véritables ascètes. Sakyamuni lui-même eût été satisfait de leur mine. Après eux, venaient les Gelung de toute catégorie, escortés de séminaristes de tout âge. Bon nombre de laïcs des steppes environnants s'étaient joints à eux. Ceux qui ne pouvaient se placer sous la tente, trop étroite pour une centaine de personnes en groupe serré, s'accroupirent dehors sur le seuil. Comme chacun portait son offrande ordinaire, nombre de baquets, de cruches et de vases en bois occupait le centre de la kibitka devant le tapis sur lequel était assise la Noyonne. Il y avait surtout une grande quantité de carafes en peau de cheval pleines d'eau de vie du pays. Après une heure à peu près de muette contemplation, le supérieur porta à sa bouche la fiole d'eau bénite pendue à sa ceinture, en but une gorgée, puis la cracha. Note. Un des Gelung m'offrit une de ses fioles ainsi qu'une image représentant Sakyamuni. Fin de note. Ces trois mouvements ayant été scrupuleusement imités par toute la congrégation, il s'ensuivit une pluie de jets humides sur le tapis, sur le sol, même sur les vêtements de quelques-uns des voisins. Cette purification terminée, des prières furent récitées avec le concours des laïcs. Puis un des séminaristes se mit en devoir de servir le thé. Chaque moine sortit alors de dessous son caftan, du côté gauche de la poitrine, un mouchoir colorié et en tira une écuelle de bois. De l'écuelle, il enleva un fragment d'étoffe humide servant à conserver le bol sans fissure. Le séminariste échanson fit alors le tour avec le bocal à thé et remplit les écuelles après avoir toutefois servi d'abord la Noyonne qui fit sa libation au dieu de l'autel placé près d'elle. L'assistance laïque ne fut pas oubliée. Les vases passèrent de main en main. Le thé bu, chaque moine opéra le petit nettoyage de rigueur et remit l'écuelle sous son caftan. Note. les moines lamaïtes portent sur eux cette écuelle en souvenir du vase aux aumônes dont était muni Sakyamuni pendant ses pieuses pérégrinations. Fin de note. Avant la distribution du mouton, on mit devant la noyonne et les moines les petits bancs qui servent de table et chacun se fit une nappe de son mouchoir de poche. Plusieurs novices s'accroupirent devant les longs baquets en bois remplis de viande. Ces maîtres d'hôtel, usant de leurs doigts et d'un couteau, partagèrent les portions pour chaque assistant. La plus grosse fut portée au lama sous sa guerre. La noyonne fit encore offrande au dieu d'une part de son morceau que la camériste mit dans un des petits vases propitiatoires. Les religieux du plus haut rang furent honorés d'un plat en bois de la forme d'un compotier avec pied. Les autres reçurent la viande sur leur mouchoir, nappe, essuie-main, torchon. Les subalternes présentaient les mains tout simplement. Tous, moines ou laïcs, emportent ce qu'ils ne consomment pas en l'enveloppant dans le même mouchoir, garde-manger. Quand le baquet fut emporté, les actions de grâce commencèrent, prières d'un rythme saccadé et répétées pendant une demi-heure à peu près. Puis on entama de nouveau le repas. De temps en temps, on voyait voltiger dans l'espace des morceaux de viande ou des os non complètement dénudés. C'étaient les morceaux d'honneur que la noyonne lançait à quelques prêtres auxquels elle voulait témoigner sa déférence et que celui-ci daignait octroyer à l'un de ses moines après en avoir pris sa part. Ces messages de faveur, quoique toujours reçus avec reconnaissance, ne donnent lieu à aucune démonstration extérieure. C'est du fond du cœur que le donateur est remercié, même quand il n'a pas le coup d'œil juste et que l'objet de son hommage, au lieu de tomber dans la main du bienheureux, va heurter son visage. Après la digestion faite sans autre bruit que ceux assez fréquents, il est vrai, de l'estomac reconnaissant, on procéda à une autre formalité, la bénédiction de l'arca. Un laïc en remplit une écuelle. Avant d'en boire, il arracha quelques brins d'herbe, les trempa dans la liqueur à plusieurs reprises, puis en aspergea l'air. Les yeux levés vers le ciel et fixés sur l'ouverture circulaire qui est en haut de la kibitka. Il offrit alors le breuvage aux religieux qui tous indistinctement le dégustèrent. Comme conclusion, la robe d'honneur fut présentée à la noyonne. Celle-ci resta accroupie pendant qu'un guélung lui passa cet insigne de suzeraineté. L'assistance gardait toujours le silence et restait dans une immobilité absolue. Puis le doyen du Rouroul se leva et avec lui la noyonne. Le vénérable religieux sortit de la tente dans l'attitude de la méditation, suivi de tous les moines et de tous les laïcs. Un moment après, il n'en resta, en souvenir du repas de cérémonie, qu'une multitude de débris de moutons et d'os jonchant le sol. Après avoir minutieusement observé ce qui se passait autour de moi, je me demandais si les guélungs de ce Rouroul ont, pour la vie, toute l'horreur prêchée par Bouddha. Je ne pus m'en convaincre. De même, il serait difficile de décider si l'observance rigoureuse des règles de dévotion par la noyonne lui est dictée par une piété profonde ou seulement par une raison politique. Les Kalmouks ont toutes les superstitions des nations ignorantes et sont fanatiquement attachés à leurs croyances sans la comprendre. Les cas d'abjuration sont très rares dans la classe populaire. Ceux qui ont tenté d'y faire des prosélytes ont échoué. Si parmi ces descendants des Mongols se trouvent quelques chrétiens, ce sont pour la plupart des ambitieux guidés par l'appât d'un titre. Note, des Kalmouks entrés au service russe qui ont embrassé la religion orthodoxe. Fin de note. Ça et là, quelques enfants, mais en nombre insignifiant, abandonnés dans les steppes et recueillis par un orthodoxe, sont élevés dans sa religion. Le Kalmouk renégat est abhorré de son peuple, qui, toutefois, n'a pas de haine contre les chrétiens. Fin du chapitre 18.